Je voudrais essayer une robe. Laquelle ? Celle-là. Celle qui est en vitrine. Je voudrais essayer une veste. Laquelle ? Celle-là. Celle qui est en vitrine. Je voudrais essayer un pull. Lequel ? Celui-là, celui qui est en vitrine. Je voudrais essayer des chaussures. Lesquelles ? Celles-là, celles qui sont en vitrine. Je voudrais essayer des gants. Lesquels ? Ceux-là, ceux qui sont en vitrine.